musique du cœur. Ton visage s'illumine en douceur quand tu entends la musique du cœur. Le reggae passe le meilleur et ton esprit le suit. Faisant abstraction du reste et des ennuis, et ton esprit le suit. Partageant les désirs et les envies. Chante la vérité, il dénonce toutes sortes d'idioties. Et partout où il va, il fait régner la joie. Son rythme ne nous en donne pas le choix. Il n'oublie surtout pas ses racines, qui nous rappellent que le reggae vient d'Afrique. Avec tout cela, on ne peut avoir qu'une pensée. Le reggae et le rasta peuvent être admirés. Emporté par la liberté, mais aussi par la mélodie. Tu te laisses emporter par la liberté. Le vrai sens de la vie, c'est la reggae music qui réalise ton rêve. C'est la reggae music qui t'aide à vivre et te relève. Le reggae chante la vérité, il dénonce toutes sortes d'idioties. Et partout où il va, il fait régner la joie. Son rythme ne nous en donne pas le choix. Il n'oublie surtout pas ses racines, qui nous rappellent que le reggae vient d'Afrique. Avec tout cela, on peut avoir qu'une pensée. Le reggae et les rasta peuvent être admirés. Chante la vérité, il dénonce toutes sortes d'idioties. Et partout où il va, il fait régner la joie. Son rythme ne nous en donne pas le choix. Il n'oublie surtout pas ses racines, qui nous rappellent que le reggae vient d'Afrique. Avec tout cela, on ne peut avoir qu'une pensée. Le reggae et les rasta peuvent être admirés.